cela se jamais. Sur Saphir FM, on joue la meilleure musique. Saphir FM. Sur Saphir FM, la musique c'est sacré. Sacrément bon. Je vais donc articuler en direct de Paris, tu ressens si MS possible en mode disabilité. Si, lançons le lyric, suivez la musique. Je parle pour mes likes. Je sur le thème, pour mon nom interdit. Je parle que t'as assez de recruter pour tel. À ta jury, n'a pas son particulier. Pour nous, c'est une grossière. Pour envoyer des nouvelles, construire des voyelles. Je sens sur le rythme, mais qu'avance sur le tempo. Je sens sur le rythme, mais qu'avance sur le tempo. Just a baby. qui dirige ma vie, et surtout qui aujourd'hui a pu payer le prix d'une vie, celle de mon tout petit qui aujourd'hui s'appellerait Rémi, qui s'est permis de vivre toujours des on-dit. Je vous en meilleur hit. Depuis nous connaître, pas jamais cherché, ça fait de tout. J'en ou café, si porte moi comme ça. La pipe est tombée pour effacer toute trace à tiens en moi. Mais vos doudous, vous pas qu'à déjà consolidé, affection et puis tendresse que nous peut pas acheter. Mais si j'en dis nous séparer, c'est parce que ça t'est privé. Même si nous te savais que tu es nous t'es plein d'amour. des fois que nous voyons, c'était pour nous parler. Pour nous te prendre en décision, et voilà nous y est. Mais parler pour parler, tension vini monter. Alors au lieu nous te babier, nous fait en séparer. Saphir FM. On joue la meilleure musique. Saphir FM.